dans un vieux théâtre italien, de la Commedia dell'arte, des pantins à tête de bois se produisent en aparté. Ils sont suspendus par des liens, harmonisés par des artistes, dont les mouvements adroits nous rappellent les guitaristes. De la Commedia dell'arte, des pantins à tête de bois se produisent en aparté. Ils sont suspendus par des liens, harmonisés par des artistes dont les mouvements adroits nous rappellent les guitaristes. Les enfants, venez nous voir, le spectacle.